Chapitre 75. L'idée du patron Jérôme. La mer, les ports de Marseille. Ce qu'André et Julien demandent à Dieu. La prière nous donne le courage et l'espoir. Pendant le dîner, André raconta leur voyage de point en point, puis il chercha son livret d'ouvrier et ses certificats pour les montrer à Jérôme. Jérôme avait écouté le récit d'André avec une grande attention. Il feuilleta de même son livret avec soin. Ensuite, il réfléchit assez longtemps sans rien dire. Sa femme l'observait avec confiance. De temps à autre, elle clignait de l'œil en regardant André et Julien, comme pour leur dire « Soyez tranquilles, enfants, Jérôme va tout arranger. » Jérôme, en effet, sur la fin du dîner, sortit de ses réflexions silencieuses. « Je crois, dit-il, qu'il y aurait un moyen de vous tirer d'embarras, mes enfants. »« Quand je vous le disais, s'écria la femme du marin avec admiration. » En même temps, le petit Julien faisait un saut de plaisir sur sa chaise. Et André poussait un soupir de soulagement. Jérôme reprit. « Avez-vous peur de la mer ?»« Oh, monsieur, dirent à la fois les deux enfants, depuis si longtemps que nous désirons la voir. Nous n'avons pas pu encore aller sur le port depuis que nous sommes à Marseille, car nous sommes venus droit chez vous. Mais je vous réponds que nous n'aurons point peur de la mer. »« À la bonne heure, reprit le marin. Eh bien, mon bateau vous mènera à Sète, un joli port du département de l'Hérault. Je mets à la voile après-demain. Une fois à Sète, j'interrogerai les uns et les autres sur Volden. Nous autres mariniers, nous nous connaissons tous, et déjà, à mon dernier voyage, j'avais chargé un camarade, qui partait vers Bordeaux par le canal du Midi, de prendre des informations sur l'adresse de Volden. Nous aurons donc, je l'espère, des nouvelles de votre oncle à Sète. Aussitôt, on le préviendra de votre arrivée. Et je vous confierai un marinier qui vous conduira par le canal jusqu'à Bordeaux. Mais monsieur, dit le petit Julien, les bateaux, ce sera peut-être encore trop cher pour notre bourse. « Mon petit homme, vous avez un frère courageux, qui ne craint point le travail. J'ai vu cela sur ses certificats. S'il veut faire comme je lui dirai, et nous aider à charger ou décharger nos marchandises, non seulement le bateau ne lui coûtera rien, mais il gagnera votre nourriture à tous les deux, et quelques pièces de 5 francs le long du chemin. Il aura du mal, c'est vrai, mais ici-bas, rien sans peine. « Comment donc ?» s'écria André avec joie. « Je ne demande qu'à travailler. » C'est ainsi que nous avons fait avec M. Gertal depuis Besançon jusqu'à Valence. Mon Dieu, fit Julien, quel malheur que je ne puisse marcher. J'aurais fait des commissions, moi aussi, comme je faisais pour M. Gertal. Et même je sais vendre un peu au besoin. Allez, M. Jérôme. Le patron Jérôme sourit à l'enfant. Vous avez raison, petit Julien, répondit-il, d'aimer à vous rendre utile. Faites toujours ainsi, mon enfant. Dans la famille, voyez-vous, quand tout le monde travaille, la moisson arrive et personne ne pâtit. Mais en ce moment, il ne faut songer qu'au repos, afin de vous guérir au plus vite. » Pendant qu'André et Julien remerciaient Jérôme, sa femme se mit à préparer pour les enfants l'ancienne chambre où couchait leur oncle. Cette chambre n'avait pas été louée depuis le départ de Franz Volden. Les enfants, dès le soir même, y furent installés. C'était un petit cabinet haut perché sur une colline et qui dominait les toits de la ville. Quand André ouvrit la fenêtre, il poussa un cri de surprise. « Oh, Julien, dit-il, que c'est beau !» Et prenant Julien dans ses bras, il le porta jusqu'à la fenêtre. « la mer !» s'écria Julien. De la fenêtre, en effet, on découvrait à perte de vue la mer, d'un bleu plus foncé encore que le ciel. On apercevait aussi les ports de Marseille et les navires innombrables, dont les mâts se pressaient les uns contre les autres, agitant au tourbillon du Mistral leurs pavillons de toutes les couleurs. Les derniers rayons du soleil couchant emplissaient l'horizon d'une lumière d'or. Les deux enfants, serrés l'un contre l'autre, regardaient tour à tour l'immensité du ciel et celle de la mer, puis les trois ports pleins de navires et la grande ville qui s'étendait au-dessous d'eux. Devant ce spectacle si nouveau, ils étaient tout émus. En même temps, ils pensaient avec joie aux bonnes paroles de Jérôme. « Je suis bien content, dit André, d'avoir entendu parler de notre oncle. Il me semble que je le connais à présent, et je l'aime déjà, notre oncle Franz. Et moi aussi, dit Julien. Quelle bonne idée il a de vouloir acheter un bout de champ. C'est justement tout à fait mon goût. Ce serait si bon d'avoir un champ à cultiver, des vaches à soigner. Oh André, je traverserai toutes les mers du monde rien que pour cela. » André sourit à l'enfant. « Allons, dit-il, je vois que mon Julien a la vocation de la culture et que l'oncle Franz et lui feront vite une paire d'amis. En attendant, il faut se reposer afin d'avoir bien des forces pour le voyage. » La nuit venue, avant de s'endormir, Julien dit à André « Nous allons remercier Dieu de tout notre cœur. » Et aussi, ajouta André, lui demander la persévérance, afin de ne plus nous décourager à chaque traverse nouvelle, afin d'apprendre à être toujours content de notre sort. et joignant les mains en face du ciel étoilé que reflétait la mer, les deux orphelins firent à voix haute la prière du soir. Marseille et ses ports. Marseille, le premier port de France, est une ville excessivement commerçante et industrielle de 320 000 habitants. Dans ses ports que protègent de longues jetées, se rendent par milliers des vaisseaux venus de tous les points du globe. Elle fait un très important commerce avec l'Algérie. Enfin, ses ateliers produisent une grande quantité d'objets de toutes sortes. Ses seules savonneries donnent plus de 60 millions de kilos de savon par an.